Le hussard sur le toit de Jean Giono. Treizième épisode. Après avoir quitté la montagne de Charouille, où le choléra semble inconnu, Angelo et la jeune femme tombent dans une embuscade de soldats qui les incarcèrent à la quarantaine de Vaumeil. Que faites-vous ? J'essaie de percer un trou dans cette porte. Histoire de passer le temps. Vous avez vu que le mur de cette tour descend à pic, sans une seule aspérité ? Je l'ai vu, mais je suis prêt à imaginer n'importe quoi. Vous entendez ? Il prépare une patrouille pour cette nuit. Vous n'avez pas l'air d'aller bien. Vous souffrez ? Oh. Rien que de naturel. Je vais être contrainte d'aller à cette inette ignoble. Non, venez. Donnez-moi la poire à poudre. Et allez chercher les porte-manteaux et couchez-vous. Si quelqu'un monte ou descend, je parlerai de choléra sec et ils nous foutront la paix. Surveillez l'escalier et prévenez-moi. Oui. Venez. Difficile de savoir où nous sommes. On dirait une grande salle. Mais il ne fait pas très clair. Je vois une tache noire au fond. C'était pas une ouverture ? C'en est une. Une autre salle, avec des vitraux. Pourtant, elle n'a jamais servi d'église. Il n'y a pas d'emplacement pour l'autel. On voit le jardin en bas. Vous allez mieux ? Vous ne sentez pas une douleur, là, au creux de l'estomac ? Je suis parfaitement bien. Excusez-moi. Il n'y a pas à s'excuser. On n'est pas responsable si quelque chose se met à pourrir en vous et à vous détruire. Aussi, dès qu'on sent une petite pointe aiguë qui vous perce le flanc, il faut crier au secours. Ça vaut la peine de vivre. Voilà un passage dans l'épaisseur du mur. Les bagages vont nous embarrasser, mais tant pis. Nous devons être de l'autre côté de la cour aux soldats. C'est de plus en plus étroit. Hein. Courbez-vous. Courage. Nous sommes presque au bout. Vous voyez quelque chose ? Un escalier. Cette porte donne sur votre jardin. C'est le rempart. Il n'y a que 3 ou 4 mètres de hauteur. On saute? Vous allez toujours à ce petit village où se trouve votre belle-sœur, près de Gap? C'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Soyez prudente. Par la fenêtre pour aller danser sur la place d'Orient. Les femmes sont des êtres incomplets. Ah. Aïe. Ouf. Ils marchèrent pendant une heure environ à travers champs. Ils trouvèrent un chemin qui allait dans la direction qu'Angelo avait décidé de prendre et qui ne tarda pas à monter. La nuit était vraiment très douce. Comment vous appelez-vous? Hier, à la quarantaine, j'ai eu plusieurs fois besoin de vous appeler, tout en étant près de vous. Je ne peux tout de même pas continuer à vous dire monsieur. Moi, je m'appelle Pauline. Je m'appelle Angelo. Et mon nom est Pardi. Ce n'est ni le nom de ma mère, ni certainement le nom de mon père. Je suis assez fier que ce soit simplement le nom d'une très grande forêt que ma mère possède près de Turin. Votre prénom est très joli. Oh, voulez-vous me permettre de porter ma part de bagages maintenant que nous marchons sur une route? En aucune façon. Je ne sens pas le poids. Bien assez que vous soyez obligé de marcher avec des bottes. Ce n'est pas très commode. Les cavaliers démontés sont toujours un peu ridicules. Je mettais toujours des bottes pour me promener dans les bois. Mon mari est expert en bottes et en pistolets. C'est lui qui m'a appris à charger à double balle. Et c'est lui qui m'a fait confectionner des bottes souples, comme des gants. Nous habitons un pays de maquis et de collines où il faut faire des lieux pour se distraire du spectacle de la nature. Nous vivions aussi de cette façon-là, à Granta, avant que j'entre au cadet. La route avait peu à peu gagné des hauteurs où elle circulait entre des bois dieuses. La lune, à moitié ensevelie dans l'ouest, donnait cette lumière étrange teintée de jaune qui compose des réalités dramatiques. Le vent ne savait plus de quel côté souffler. Angelo et la jeune femme marchaient depuis près de 6 heures. Il n'était pas aiguillonné par la crainte d'être poursuivi et rejoint. Arrêtons-nous ici. Je crois que nous avons assez marché pour aujourd'hui. Je suis fatiguée, en effet. Et depuis que la route monte, je traîne la patte. Vous avez été gentil de faire celui qui n'y voyait rien. Dans 5 minutes, j'allais être obligée de vous dire que je ne suis pas tout à fait à la hauteur de certaines circonstances. Personne ne peut aller au-delà de sa force physique. Il n'y a pas de quoi en avoir honte. Moi-même, je suis fatigué. Allongez-vous. Vous vous reposerez mieux. Vous dormez? Oui, je m'endormais. Paisiblement, à côté de moi. Bien sûr. Sans craindre la mort que je pourrais vous donner aussi bien que n'importe qui. Nous faisons route ensemble. Nous nous efforçons de ne pas attraper la maladie. Mais si vous l'attrapiez, croyez-vous que je foutrais le camp? Danses allemandes de Mozart. Je croyais que vous dormiez. Je ne dormais pas, je fermais les yeux, en paix. Oh, ce n'est qu'une clarinette, vous savez. À côté d'une clarinette, peut très bien se trouver un fusil. Bonsoir. Vous allez à Saint-Dizier ? Je me permets de vous demander parce que nous semblons être du même bord et on m'a dit beaucoup de mal de cet endroit. Asseyez-vous. Je suis peut-être indiscret, mais est-ce que vous venez de loin ? Non, il n'y a pas d'indiscrétion. Qu'est-ce que nous faisons, vous et moi, sur les routes ? Nous foutons le camp. Et forcément, dans ce cas-là, on vient de loin. Il y a plus de 2 mois que j'ai pris le trimard. Je viens de Marseille, où j'étais clarinette solo à l'opéra. Bon, évidemment, l'opéra a fermé ses portes. Je me suis demandé ce que je continuais à foutre là. Finalement, c'est une douleur en plein ventre, on appelle ça une colique, qui m'a décidé. J'étais sur mon lit, je pleurais, je criais. On criait aussi de l'autre côté de la cour où donnait ma fenêtre. Alors, je me suis aperçu qu'à force de crier, je ne souffrais plus. Ça m'a guéri tout à fait. J'ai compris que le choléra pouvait s'inventer. Et qu'il valait mieux aller chercher sur le trimard de quoi s'inventer autre chose qui fasse moins peur. Un célibataire des quantités de droits. Vous avez eu des difficultés avec les soldats, vous aussi ? Pas des tas. Oh, c'est jamais drôle d'être arraisonné. On vous réclame des papiers de toutes sortes. Les premiers temps, on se demande toujours comment on va s'en sortir. On n'a jamais les papiers qu'il faut, bien entendu. À la fin, avec l'habitude, on glisse. Je suis tout de même resté 8 jours dans une quarantaine du Haut-Var. Je croyais trouver une région déserte, mais tout le monde avait eu la même idée que moi. Et la mouche, la même idée que tout le monde. Les routes étaient encombrées de morts. Je me suis perdu. Les soldats m'ont ramassé. Oh, ce sont des gens comme les autres. Au fond, ils détestent la mort. C'est tellement naturel. Mais il y a l'uniforme. Ils m'ont bouclé dans la quarantaine de Riance. À quelle époque ? Les premiers jours de septembre. Vous êtes arrivé à Riance par la route de Vauvenargues ? Je suis passé à Vauvenargues. Et au château de la Valette ? J'ai vu un château. La maison de maître était fermée. Les coqs chantaient un peu plus loin. D'habitude, quand les coqs chantent, c'est qu'il y a des gens vivants. Je suis partie de cet endroit-là en juillet. C'est moi qui ai fermé les fenêtres. Une domestique est morte brusquement après avoir mangé du melon. Le lendemain, 3 personnes sont mortes au hameau. J'étais seule. Je suis allée me réfugier chez mes tantes à Manosque, d'où nous venons, monsieur et moi. Vous avez bien fait de partir, et d'un endroit et de l'autre. Mais pour bien faire, il faudrait partir de partout, hein, le difficile. Vous avez une idée de la direction qu'il faut prendre pour aller à Gap ? À Gap ? J'ai mieux qu'une idée. J'ai une carte. Alors, en tout cas, il faut passer par Saint-Dizier, puis les Lors et... Bon, et enfin Savournon. À ce moment-là, vous serez déjà dans les montagnes. Vous parliez de Saint-Dizier tout à l'heure. On m'a dit qu'ils avaient des débats intimes dans lesquels il valait mieux ne pas fourrer son nez. Mais je crois que c'est à la suite de certains débats plus intimes encore avec la mouche. On m'a dit aussi qu'ils brûlent leurs morts. S'ils en sont encore là, c'est que nous n'avons pas fait un pas en avant depuis Manosque. Où l'odeur de graisse brûlée m'a dégoûté pour la vie des côtelettes. Ah, non, ils font rôtir du chrétien pourri. Et j'avoue que c'est un spectacle plutôt réjouissant quand on sait à quel degré de saloperie ils en sont arrivés dans ce patelin-là, à force de frousse. Hein ? Qui se serait douté que cette petite bourgade des montagnes était en réalité Sodome et Gomorre ? Qui ? Sauf la mouche. J'ai l'impression qu'elle doit bien rigoler. Si vous n'osez pas regarder ce spectacle en face, madame, je crois qu'il vaut mieux vous crever les yeux. Ça vous évitera la fatigue de vous les cacher avec vos mains. Et le choléra fini, il restera les miroirs à affronter. Je vais vous quitter. Je vais pas à Gap, moi, et votre route me détournerait de mon chemin. Thank you. Il s'en va gaiement, comme s'il venait de sauter du lit. Et moi, je viens de sentir mon cœur se vider de toutes mes forces. Il n'est pas allé loin. Je parie qu'il est simplement descendu dans le vallon pour y dormir. Je connais la façon de faire de ces gens-là. Ils ne démordent jamais de rien en face. Ils ne sont eux-mêmes que seuls. Il faut trouver un abri. Il va pleuvoir. J'ai soif d'eau froide. Et ils marchèrent à travers bois sous un ciel de plus en plus couvert qui faisait des gestes menaçants. Des trottinements de pluie semblables à ceux des rats couraient dans les feuillages. Du haut d'un tertre, ils aperçurent le dessus de la grande forêt qu'ils étaient en train de traverser, fourrée comme une peau de mouton. Elle couvrait un pays bossu, bleu sombre, sans grand espoir. Dépêchons-nous. Il y a une maison là-bas. Curieux endroit. On a taillé des buis. Et que fait cette caserne dans les bois? Est-ce que vous ne sentez pas une odeur de soufre? Si. Mais si vous avez l'intention de m'effrayer, vous avez raté votre coup. Je ne pense pas au diable. Cette odeur d'œuf pourri est celle de 4 ou 5 villages qui ont des sources sulfureuses, d'après mon mari. Cette caserne doit être un hôtel qui sert l'été à l'époque des bains. Alors, nous sommes dans la bonne direction. Il ne nous reste que 10 à 12 lieues à faire pour arriver à Gap, et Théus est à 3 lieues de là. Il faut entrer là-dedans et finir la nuit à l'abri. Il y a certainement une porte plus facile à forcer que celle-là. Venez. Oui. L'écurie. Et un mulet qui nous sera bien utile demain. Ceci se présente trop bien pour qu'on n'essaie pas de voir plus loin, qu'en dites-vous? À condition d'avoir nos pistolets sous la main. J'ai trouvé quelque chose de très intéressant. Quoi donc? Un candélabre et des bougies. Voilà de nouveau un candélabre à la main, comme la première fois à Manosque. Mais ce soir-là, vous étiez en robe longue. Oui, toute seule. Je faisais toilette. J'avais même mis du rouge et de la poudre. C'était une façon de me donner du courage. Vous m'avez impressionnée. J'avais peur. J'impressionne même mon mari dans ces cas-là. Bah, il n'y a qu'à faire du feu dans cette cheminée. Et restez là. Regardez. Un escalier de cave. C'est peut-être la seule occasion que nous ayons de boire frais sans risque. Ce vin est à l'abri des mouches depuis plus de 5 ans, si on se fie à la date marquée sur les étiquettes. Et pourquoi pas? Il n'y avait pas le choléra à cette époque. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai encore plus soif que vous. Il faut manger avant de boire. Je vais faire une polenta au vin blanc. Ça coupe la fatigue. Vous êtes vieux comme les rues. Beaucoup plus vieux que mon mari. Ça m'étonne. J'ai 26 ans. Et lui, 68. Mais il est beaucoup plus risque-tout que vous. Je n'ai rien à risquer en vous laissant boire à jeun. C'est vous qui risquez. On peut facilement prendre cette responsabilité quand on s'en fiche. Tenez. Mon mari ne s'en fiche pas. Alors, où est-il? Mort? Non. S'il était mort, je ne serais pas là. Où seriez-vous? Certainement morte. Vous n'y allez pas par quatre chemins. Vous ne comprenez rien. Je l'aurais soigné et je serais morte de la contagion, s'il faut tout vous expliquer. J'ai soigné plus de 20 colériques. J'ai lavé des cadavres, en veux-tu, en voilà. Et je suis encore sur mes deux pattes. Vous pourriez donc être sur les vôtres, et ici. Même si votre mari était mort, avec tous les honneurs dus à son rang. Ne discutez pas, je serais morte. Ou tout au moins, j'en aurais très envie. J'aime mon mari. C'est naturel, puisque vous l'avez épousé. On arrive à trouver une certaine galanterie dans ce que vous dites. En effet, malgré le grand nom et la fortune, si je ne l'avais pas aimé, je ne l'aurais pas épousé, je vous remercie. Reste qu'il a près de 45 ans de plus que moi. Ceci continue à ne pas vous étonner? Non. Ce qui m'étonne, c'est votre façon de souligner constamment son âge. C'est une de mes faiblesses. Parlons d'autre chose. De quoi? Bon, je ne sais pas. Nous avons bien trouvé des sujets de conversation jusqu'à maintenant. Oui, il s'agissait de pistolets et de sabres, puis de sabres et de pistolets. C'est un sujet inépuisable et plein d'enseignements. Il est vrai que comme garde du corps, vous êtes de première force. Dès qu'il s'agit d'avoir le poil hérissé, je ne connais personne qui puisse vous damer le pion. C'est mon métier. Avant de vous rencontrer, j'étais loin de supposer qu'il existait un métier semblable chez les hommes. Je ne suis pas forcée d'être comme tout le monde. Soyez tranquille, vous ne l'êtes pas. Je suis piémontais. Je vous l'ai dit. Et ça se voit. Ce qu'on voit s'appelle de 4 ou 5 noms. Très beaux les uns et les autres. Est-ce le Piémont ou votre caractère? Je ne vois pas ce que vous appelez très beau. Je fais ce qui me convient. J'étais très heureux dans mon enfance. Je voudrais continuer à l'être. Ma mère n'a que 16 ans de plus que moi. J'ai eu aussi mon frère de lait, Giuseppe. Et sa mère qui a été ma nourrice, Teresa. Celle-là serait bien étonnée si elle savait que je tourne de la polenta pour les dames. Que croit-elle que vous faites aux dames? Du grandiose, aux dames et au monde entier. Elle est capable de savoir ce que c'est? Fort bien. Et elle en fait à chaque instant. Bon, ça doit être encombrant. Non. La maison l'exige et depuis longtemps. Qui êtes-vous? Je sais, vous m'avez dit votre nom. Angelo Pardi. Mais sans que j'en sois beaucoup plus avancée. Sauf pour vous appeler plus facilement à l'aide à l'occasion. Je sais que vous vous appelez Pauline. Pauline de Théus, depuis mon mariage. Mon nom de jeune fille est Collet. Mon père était médecin à Riance. Je n'ai pas connu mon père. Je n'ai pas connu ma mère. Elle est morte quand je suis née. Moi, je ne sais pas s'il est mort. Personne n'en sait rien. Personne ne s'en soucie. Nous n'avons pas eu besoin de lui pour faire notre compte. Parlez-moi de votre mère. Elle ne vous conviendrait pas. Les mères me conviennent toutes. La mienne était, paraît-il, très jolie. Très douce, très malade. Et elle me désirait. J'ai eu amplement le temps d'aimer une ombre. Rire à mon père ne m'a jamais complètement satisfaite, même au berceau. Si j'en juge parce qu'il m'est resté de désir que rien ne contente. Mon père était cependant un homme facile à aimer. Et qui s'est accommodé de rien, c'est-à-dire de moi. pendant toute la vie. Mais la vie d'un médecin pauvre à Riance. J'étais la plupart du temps seule, ou avec Anaïs, la bossue, une femme en or. Tout le monde était en or. Mon père était en or. Il ne m'a jamais martyrisée. J'étais de tous les côtés caressée, cajolée, râpée par des mains, des lèvres, des barbes, comme ce pays par le vent. Inquiète et droite comme un nid de m'approcher de la fenêtre qui grondait, de la porte qui gémissait, et de les écouter de près. Il s'agissait d'être sûr. C'était bien plus important que la peur. Sûr de quoi ? De tout. Quand j'ai entendu vos pas dans cette maison de Manosque où j'étais seule en plein choléra, j'ai pris un candélabre et je suis venue voir ce que c'était. Il me faut toujours venir voir. Je ne sais pas fuir. Je n'ai de refuge nulle part, sauf dans ce qui me menace. J'ai tellement peur. L'audace m'est indispensable. Je crois que je suis un peu ivre. Ne vous en inquiétez pas. Buvez. Oh. Nous avions besoin de vin. Mais prenez de celui-là qui est noir. Il ressemble à un vin de chez moi. C'est ce qu'il faut pour résister à la marche. Ma mère ne fait rien sans âme. Elle a constamment son doigt sous mon nez pour me forcer à lever la tête et à regarder en l'air. Vous aviez raison, je n'aime pas votre mère. Parce qu'elle n'est pas là. Peut-être. Mais surtout parce que vous y êtes. Nous avons trop bu. D'ici 5 minutes, nous allons parler en verre. Et contre tous, hélas. Si je peux me permettre cet affreux calembour. Dormons. Ils choisirent 2 chambres dont les portes se faisaient face. Angelo employa son ivresse à construire chez lui un lit carré comme à la caserne. La pluie faisait rage. Le hussard sur le toit, de Jean Giono.